Le poteau est resté dans le panneau. Je ne sais pas qui s'est calmé. Il s'appelle Émilien. Il s'appelle Émilien. Émilien. Ah oui, c'est Émilien. Dis donc, mais tu ressembles à qui pour bavarder comme ça? Oh, et tu sais, en plus, la semaine prochaine, c'est Halloween, j'adore. Et en plus, mes cousins, ils viennent dormir. Et les copains à papa aussi. Dis donc, ça. Le week-end prochain. Les Riquitos, ils parlent déjà un petit peu, hein. Ils sont pas muets, les Riquitos. C'est une grande famille comme nous. Oh, mais alors, elle ressemble bien au blanc, hein, je te le dis. Hein. Ah ouais? Ça, tu l'as elle vu, là? En plus, ma mère. Bon, elle est morte. À part ça, ça va? Elle est morte, ma mamie. Tout va bien? Eh ben, c'est bien. Je suis là. C'est bien, j'ai chargé, mon poste du balcon. Je l'ai mis à la cuisine. Sur GFM. Parce que sur GFM, c'est ma radio. C'est ta radio. C'est ma radio. C'est bien, c'est ta radio. C'est pour ça que j'ai dit, Robert, va nous faire quelque chose. Ouais. Bah oui. Qu'est-ce que vous voulez? De toute façon, ça fait un moment qu'on tourne, hein. Disons que... Alors, on peut commencer? Ben, c'est parti. Oh, ben, c'est parti. Ça y est, ça tourne un peu, 2 minutes, ça tourne. Oh, hein. dis donc. Ouais, ben... Alors, attendez. Vous posez des questions. Ah ouais, je pose des questions. Première question, comment ça va? Moi, ça va pas trop mal. Vu ce que j'ai supporté jusqu'à maintenant, ça va pas trop mal. On a pu fêter nos 70 ans de mariage, ça c'était un problème. Ma foi, de toute façon, c'est fait, c'est classé. Et puis, disons que la patronne va bien, vu ce qu'on a connu aussi. Hein. Ben, dis donc. Depuis le Covid, là, ça fait 3 ans, on n'en sortait pas. Hein. Mais là, impeccable, je vais au pain le matin, je fais mes 6 km de voiture tous les matins à la ferme. À la ferme, bon, les vaches, parce que maintenant, il n'y a que des vacheries, alors il faut bien aller voir les vaches. Puis maintenant, le jour, ils m'ont fait une surprise. Il a fait inséminer une vache avec une race bogienne, un noir. Alors, un beau noir avec la tête blanche dans un troupeau de cimental, je ne peux pas te dire. Ils ont mélangé les noirs avec les blancs. Et qu'est-ce que ça va donner? Moi, j'en sais rien. Pour le moment, c'est un veau qui s'élève. Je ne sais pas ce que ça va donner au niveau viande et au niveau lait, j'en sais rien. Mais il a changé un peu la race. C'est-à-dire, on est avec des cimentales, hein, la race suisse. Alors, bon, on a toujours gardé, parce que la cimentale, on a adopté la cimentale, c'est une race suisse. Cimentale, c'est une vache. Quand elle va bêler, d'ailleurs, tu en as eu l'occasion d'y voir, quand tu es venu un jour, le chien qui approchait le veau, là-bas, la vache, elle voulait pas. Alors, à 8 jours près, quand elle va pouvoir veiller, tu la laisses tout seule dans un parc. Elle veille, tu la laisses 3-4 jours avec le veau tranquille, elle veille toute seule. Avec les Montbéliardes. Oh là là, Montbéliardes, il fallait un couteau, il fallait la veilleuse, fallait si. Rien du tout. Maintenant, c'est impeccable. Impeccable. Dédé, j'aimerais qu'on fasse un peu d'histoire. Ouais. Vous avez encore toute votre mémoire. Ouais. Vous vous rappelez du 11 avril 53. Le 11 avril 53, bien sûr, on s'est mariés. Il n'y a pas lu bientôt. Alors, est-ce qu'on commence par le commencement? Par le début, oui. Ben oui, ben alors, je suis arrivé à Billa le 8 juillet pour aller en champ aux vaches en vacances. En 38, parce que je suis né à Grésin, je suis grésinier, avec mon frère on est né à Grésin, et on est grésinier d'adoption, commune de Léa, et j'ai commencé d'aller à l'école à 4 ans à Grésin, sous l'égide de Madame Charlon. Elle avait une voiture, tu sais, le bout pointu. Et après, mon père, s'ils sont mariés en 30, il rentrait au tunnel du Credo, chemin de fer. Moi, je suis né en 31. Et après, je suis resté avec ma grand-mère, chez ma grand-mère, parce que les Blancs, ils sont natifs de Léa, mais je n'ai pas connu mon grand-père il est mort à Saint-Quétrel, il est mort du tétanos, il était fromager. Alors ma grand-mère, Blanc, c'est une bonne foi des Rousses, et puis qui était au Platelet, qui existe encore, et puis ma mère, c'est une jurassienne des Moussières. C'est une Juillard, mais c'est, les Rousses, c'est des bonnes foi à l'Antoine. La race des bonnes foi à l'Antoine. Et en 27, en 37, il est rentré au chemin, 30 au chemin de fer. Hein. Et puis après, il a été nommé à Ambérieux, comme électricien. Mais on est allé, il n'avait pas de logement, c'était où la gare prenait des extensions, comme Béliard a pris l'extension. Et on est allé habiter à Château-Gaillard. J'ai été à l'école de Château-Gaillard. Alors j'ai d'abord été à Grésin, j'ai été à Léa, j'ai été à Château-Gaillard. Et puis après, on a eu un logement en Bérieux, ce qu'on appelait le village nègre. Vous connaissez le village nègre, rue Giraudelin. Les artistes du village nègre. Dans le pré Almaro, on a joué au football. Le camp des Russes, côté. Ah, c'est le travail. Et puis là-bas, eh ben, après, je suis revenu en champ aux vaches. Je suis revenu en champ l'année d'après, en 38, oui. Et puis après, je suis reparti encore une année à Ambérieux. Et puis, c'est arrivé la guerre. Et puis, on a connu le bombardement des Anglais. On ne savait pas que c'était les Anglais qui bombardaient la gare d'Ambérieux pour arrêter l'invasion allemande. On était à la chape. À la chape des machines de Saint-Rambert, il y avait les filatures, c'est l'assaut et tout. Et bien, il y avait un entrepôt à côté de Giraudelin, là. À côté de chez Marcel Poil. Marcel Poil, le ferrailleur. Ouais, qui était maire, qui est mort, qui était de Maclan, j'étais à l'école, c'est mon conscrit, j'étais à l'école Jules Ferry avec. Alors là, je suis revenu à Billa en 39, puis on est allé, mon père nous a rentré là, chez ma grand-mère à Grésin. C'est là qu'on a connu l'invasion allemande, puis qu'on s'est sauvé, que les Allemands tiraient sur le fort L'Écluse, puis qu'il y avait les obus qui nous tombaient à 20 mètres là-bas au credo. Puis, alors on s'était rabattu. Je ne sais pas si tu vois vite le maire de l'ancien maire Tricot de Léa. Eh bien, dans le bois, il appelait ça la grotte à la faille. C'était deux rochers. On est passé 3 jours dans la grotte à la faille pendant que les Allemands arrivaient. Et puis, on ne mangeait que du chocolat Suchard. Tablette de chocolat Suchard. Et puis après, là, j'ai vu arriver, quand ils ont fait prisonniers les soldats pour l'Écluse, eh ben je les ai vus passer devant chez Bouchou, là, en haut de chez Néné. Et puis, il y avait, dans le temps, il y avait un nommé Galli de Grésin qui connaissait bien la combine, puis il les emmenait à pied. Hein. Mon Galli, lui, connaissait bien, arrivé à la poterie, sous la poterie, t'as la route qui monte à Banchy, puis la route qui descend aux vignes dessous. Mon Galli, il a sorti des rangs, il foutu le camp, les autres ont beau y tirer. Il s'est sauvé comme ça, échappé. Alors ça, c'était une épopée, ça. Et puis après, ben, moi, je suis revenu à Billa, mais je ne suis jamais reparti. J'étais à l'école de Billa, puis c'est là que j'ai connu ma femme, à l'école de Billa. Alors, j'avais encore l'école d'Ambérieux-Gare, parce qu'il y avait l'école d'Ambérieux-Gare, Ambérieux-Ville, ça existait, mais il n'y avait qu'une école à Ambérieux-Gare, et puis... Après, ils ont fait Jules Ferry, j'étais à l'école Jules Ferry. Alors, j'ai fait dans ma vie 7 écoles. C'est pour ça que je suis si intelligent. Mais je vous raconterai la fin de l'histoire après, parce que je suis tellement intelligent que j'ai eu les instituteurs à Billa. J'ai fait un exposé. Et quand je l'avais invité pour manger, ses filles avaient loué un appartement à Virieu-le-Petit, puis il a dit on ira voir Blanc, parce que nous, j'étais une tête. Hein. J'ai jamais eu mon certificat d'études, ni rien, j'étais pas capable. Jamais vu, ça rentrait pas. Moi, c'était les vaches et le labour. Alors de 14 ans, sorti de l'école, j'allais labourer pour les gens. Alors j'ai connu les bœufs, j'ai connu les chevaux, et puis après, en 50, les tracteurs. Alors, mais j'en ai labouré des hectares. Alors tout le monde venait me chercher. Puis ils m'employaient parce qu'il y a des endroits, il fallait labourer l'automne, le gazon pour le printemps. Alors il fallait 2 paires de bœufs. Alors il fallait, j'allais avec mes bœufs aider les autres, moi. C'est pour ça que j'ai été nommé maire après. J'étais tellement connu et puis j'allais chez tout le monde, puis tout le monde me connaissait. L'hiver, quand il y avait beaucoup de neige, moi je travaillais à la fromagerie, j'allais travailler à la fromagerie. Avec le cheval, il y avait beaucoup de neige, j'allais chercher le lait à Davano avec le traîneau. On faisait deux fromages, deux gruyères de 40 kilos par jour. Il y avait deux boys là-bas à la fruitière. Bon ben, c'était une aventure, ça aussi. Et puis après, ben, on a connu la guerre, les Allemands, l'invasion, l'arabe de Génitia. Nous, bien, on a été épargnés, vous savez pourquoi, on a été épargnés un petit peu des nazis, enfin, des têtes de mort, ceux qui ont fait la rafle. Et bien, parce qu'il y avait à Bia, pendant la guerre de 14, beaucoup qui sont parvenus, des vieux. Puis c'était Bia, c'était un pays de paysans. Alors toutes les grosses fermes ont été reprises par des Suisses allemands. Par des Suisses français, ils avaient la double nationalité ici. Alors, à la Fruitière, c'était Schreut, c'était le beau-père à Angelot. Il y avait les Milmater, il y avait les Chassot, tout ça. C'était des grosses fermes, les gendres. C'était tous des gars qui avaient la double nationalité. Alors, ils n'y ont pas touché. Parce qu'ils nous avaient, ils avaient obligé, quand ils ont fait l'arabe de l'initiale, ils nous avaient obligé dans chaque ferme, il fallait faire à manger à deux Allemands, deux SS. Et puis après, ben, à 14 ans, sorti de l'école, alors on a été sauvés. Alors on montait les 14 jeunisses au Cré de Chalam, au Cré rendu, à la borne au Lyon. On mettait deux jours pour y aller à pied, avec le cheval et puis le chariot pour l'intendance. On montait au Cré rendu. On a été à Giron devant, Giron derrière. Il n'y a pas si longtemps que pourquoi je connais Giron devant et Giron derrière. J'ai appris le jour à une dame qui habite Giron, qui n'est pas du Giron, qui est venue faire la toilette là. Elle me dit pourquoi, vous savez pourquoi ça s'appelle Giron devant et Giron derrière? Moi, chez lui, en 48, il y a eu l'ouragan là. Ça avait couché toutes les sapins. Alors on est allé démontagner les sapins avec les bœufs. Pour la menuiserie de Saint-Germain-de-Joux, comment Non, là Tournier. Non, non, bon, là, comment ben, Thévenin. La menuiserie Thévenin. De Montagnier et Sapin. Et Giron devant et Giron derrière, tu sais pourquoi? J'ai appris de ces jours, j'ai bouquiné. Eh bien, Giron devant, ça appartenait à la commune de Saint-Germain-de-Joux. Et puis là, Giron derrière, ça appartenait à Échalon. Quand il y avait un mort, il fallait descendre la Valserine puis remonter à Échalon. Et ça a été associé en 1720, je crois. Alors tu vois pourquoi? Il y a des choses qu'on connaissait, on a toujours appelé Giron devant, Giron derrière, pourquoi ci, pourquoi là. On a eu fané au Grand Marneau, au Petit Marneau, avec, à la faux, avec les... Quand il y a eu l'orage en 48, qui nous ont rappelé, ça avait tout démonté les toits. On avait monté le foin aux granges de Giron. Maintenant, c'est le foyer de ski de fond. Ils avaient fait une grange pour les paysans, pour mettre leur machin. On avait monté le foin. Et puis, quand on allait à l'automne démontagner, eh ben, on avait le foin sur place. On en a fait des choses. On a été fané à Cherbois. Cherbois-l'Allier, tu connais Cherbois-l'Allier? Cherbois-l'Allier, c'est... Tu prends Bouvray, tu prends chez Dimanche, après tu prends à droite, il y a le Dière, puis t'as Cherbois, l'Allier, la Charnay, on allait faner là-bas. Et puis, on fallait partir, c'était en plein été, et c'était après la guerre, ça y est, pas beaucoup de foin. Hein. Alors on allait faner là-bas, et tout à la faux. Et on descendait le foin avec les bœufs, depuis la Charnay, jusqu'à Billa. Et puis, là, il fallait partir le soir à 8h du soir à la fraîche. On arrivait à 11h du soir là-haut avec les bœufs. Puis un jour, eh ben, il y avait Camacho qui était bûcheron chez Martineau. Il était aux guerres, puis il abattait les sapins. Puis il dit, Blanc, tu montes, Dédé, tu montes pas là-bas, il y a les bœufs, tu vas te perdre. Moi, je disais, les bœufs, ils vont pas me perdre. Arrivé à un endroit, les bœufs ne voulaient plus avancer. Qu'est-ce que je fais, moi? Je dételle les bœufs, je dis, le Dieu, Camacho, il avait raison. Les bœufs redescendent à Oudière, on a couché à Oudière. Là, le matin, on monte, ils se demandaient tous, il y avait les chars qui étaient au milieu du jardin. de Cherbourg. Dans le brouillard, t'es perdu. On en a fait des choses. Dédé, qu'est-ce que vous avez fait après la guerre? C'était tout de suite le travail. Et puis une autre question, je voudrais savoir comment vous avez rencontré Simone. J'ai rencontré la Simone à l'école. Depuis l'âge de, 8, de 10 ans. De 10 ans, j'ai rencontré Simone. Elle était comme moi de là, à côté de moi. Mais c'est parti des têtes dures. Elle était secrétaire de mairie. Il y avait l'étiquette, tout ça. Elle remplait. Alors, l'instituteur, c'était lui le secrétaire de mairie. Alors, moi, quand il nous a retenus, moi, j'étais devant la carreau, là, en retenue, devant la fenêtre. Là, Simone était assise au bureau devant le secrétaire, puis il écrivait, puis moi, j'étais là-bas en retenue. Les gens venaient à la mairie, puis signaient les papiers, ils nous voyaient là. Oh, ben, les têtes d'âne, ils sont toujours là. Alors, pour t'en finir, oui, l'instituteur, il vient manger avec moi, puis on va voir ce qu'on avait fait un peu, parce que c'était l'année où j'ai... où la commune a racheté la colonie de vacances. Alors, il me dit, ah ben, tu sais, Blanc, tu m'en as fait voir. Hein. Parce que c'était au garde-à-vous, quand tu rentrais à l'école, au préau, au garde-à-vous, comme ça. Et puis, bien peigné, essuyé, bien ciré. Puis on était une bande, de charognes. On avait des lance-pierres, on appelait ça les lance-go. Alors, on avait des pantalons golf, c'était des pantalons golf. Il nous fouillait, mais il allait jamais en bas. Ah, on était des pirouillous. Et puis, il m'a dit, ben, écoute, Blanc, hein, je vais te dire quand même quelque chose. J'aurais jamais cru qu'un âne ferait un maire. On va y venir. Oh, ben, alors, d'abord, j'ai assez dit. Hein. Vous êtes marié, donc, bien sûr. Ben, c'est-à-dire que, comme moi, j'étais chez un oncle et une tante, on avait une maison de rappel, c'était chez De Matteo, chez Fidèle, ça a toujours été la maison Fidèle. Tous les jeunes venaient là, alors on jouait à la blotte, on jouait l'hiver, on jouait au... Alors on allait acheter un litre de vin blanc, du Balzac ou du Sablé chez la mère Colomba, là, machin, puis des petits gâteaux, puis on jouait aux chevaux le soir, puis qu'est-ce qu'il fallait faire? Il y avait des mètres de neige, tout va bien. Alors, à force de faire, moi je rendais service à tout le monde, les vieux tombaient malades, c'était Dédé qui allait sortir le fumier, qui allait tout va bien. On allait soigner les bêtes. Alors, bon, on s'est fait aimer comme ça. Et puis, je suis rentré au conseil dans les années 65. J'en suis ressorti en 90. Entre conseiller, adjoint au maire, j'ai fait plus d'adjoints que de maire, mais j'ai fait 2 années de maire. Et puis, deux mandats. Et puis, je suis retourné sous Jean-Louis Minet, je suis retourné conseiller parce qu'il voulait un gars de plus. Alors, je suis retourné jusqu'en 90. Alors après, ben oui, après on a décidé, moi, il a fallu aller au régiment. C'était pas le tout, le régiment, c'est que j'étais incorporé. Puis mon oncle, il voulait pas que j'aille au régiment. Alors j'ai été appelé au 35 à Belfort. Ah, mais je suis pas resté longtemps au 35 là-bas. Ça parlait que le Bosch. Bon, Dieu arrête. C'est vrai. C'est la mâche, la paille là-bas. Alors, ils ont demandé un volontaire pour former le 15-9 à Briançon. Alors, je suis descendu à. Comment tu appelles là-bas? À Besançon, qui était au 35. C'était le deuxième régiment du 35. Et puis, on est descendu en train jusqu'à Briançon. Et puis j'ai fait 18 mois, mais alors 18 mois tranquille à la caserne Berwick, et j'ai fait 6 mois au col du Mont-Genève, à la caserne Mont-Genève, on était 8 anciens là-bas. Ah ben, affreux, on a passé du temps, on faisait du ski tous les jours on faisait du ski. Et puis après, ben, quand je suis rentré, c'est à l'automne, ma femme me dit, allez, on a assez... Ça faisait depuis 8 ans que je la connaissais, elle dit on va se marier. Puis on s'est mariés, 15 avril, le 11 avril 1953. Vous vous souvenez de cette journée du 11 avril? Oh, moi si je me rappelle. Mais là-bas, c'est notre chambre à coucher. Il a fallu étamper la chambre parce que le plancher n'était pas trop bon. Il a fallu étamper le plancher, puis on a fait le repas là. Et puis... il y avait l'oncle Roux qui était facteur à Bellegarde. Il était bien copain avec, pas Pisalonga, machin, qui jouait de l'accordéon. Merde. Bassette ? Hein ? Bassette, non ? Non, il était copain avec... Oh mince, il était copain avec le coiffeur de génisseur. Non, Alexandro, il était copain avec Sandro. Et il a amené l'accordéon, et puis on a mangé là. Oh, bon, Dierge de la Longa, voilà, bien. Pas Dieu, je l'avais oublié là. Et on a mangé, ma belle-mère avait commandé, fait une cuisine du tonnerre, on est allé au poteau, voir la Mélie, parce qu'on allait au poteau danser tous les samedis, tous les dimanches soir, on allait danser. Et puis, de toute façon, on est revenu le soir, on a encore soupé le soir. Et puis, bien 11h, là-bas, on a une propriété, là-bas, ma femme avait préparé une chambre là-bas chez les voisines, là-bas. Ils ont voulu nous déloger, mais ils n'ont pas pu nous déloger. Oh, je me rappelle. C'était un jour mémorable. Et puis après, oui, parce qu'entre-temps, je suis resté comme moi. C'est marié au mois d'avril. Et au mois de juillet, on était en plein foin, je me suis brouillé avec mon oncle. J'ai levé le pont. C'est le cas de dire, je suis parti, comme dirait l'autre, d'un coup de tête. Et puis, le lendemain, j'ai pris le vélo, le vélo au beau-père, enfin à l'oncle. Je suis descendu à Bellegarde, sur la place de Bellegarde, là-bas, chercher du boulot. Puis le père Pétini qui habitait la Nétrière, les Pétini qui habitent la Nétrière, étaient là-bas chez Henriot, ils étaient au Carnot. Puis il me dit, qu'est-ce que tu fais là, Dédé? Oh, je dis, cherche du boulot. Oh, nom de Dieu! Ah ben, allez, viens avec moi. On est allé voir René, machin. Comment elles s'appelaient, les deux secrétaires? Leur père était un douanier à Auchia, le père... les deux secrétaires, la secrétaire de mairie de Bellegarde, qui était infirmière, les filles... Rocher, voilà. Bien voir, on va chercher Dédé Rocher. C'était lui le comptable à machin. Là-bas, devant la vieille gendarmerie à Bellegarde, où il y a eu le cri des écoles. Il m'a embauché. Alors, je suis resté un an. J'ai fait, juillet, août, septembre, octobre, novembre. On a fait le Carnot, on a fini le Carnot. On a fait la villa au père Renard à Mussel. On a fait la villa au père Bron. On a fait la villa au Margaretas. On a fait la villa à Dros. Et à Rio, on déchargeait les... C'était le chauffeur, il tenait un restaurant à Montange. Gaston, on l'appelait. C'est lui qui était chauffeur. Il amenait les camions de ciment de culos. On les déchargeait à bras, hein, puis on faisait tourner la bétonnière. C'est là que j'ai appris le métier de maçon. Et puis il y avait Tarion, sur la place du marché. En bas de la... Sur la place du marché, en bas de la pharmacie Biro, ils faisaient la ferraille pour le béton. Alors là aussi, j'ai appris à couper la ferraille, à ferrailler, tout ça. Ça m'a servi pendant un an. Et puis, j'ai fait ça... On a fait encore chez Bonneau, puis deux villas à Musina encore. Et puis après, je suis rentré à la carrière. Je suis rentré à la carrière au mois d'août et j'ai fait 30 ans de carrière à la carrière. C'est là qu'on était 70, c'est là qu'on a commencé le petit Cayenne, la carrière de Génicia. Alors, la carrière de Génicia, on faisait les 2-8, c'est-à-dire on faisait 14h midi et on faisait 3h, 11h du soir. Alors moi, je faisais 14h midi. Alors, il y avait deux fours de 20 tonnes qui existent encore vers les gares de Génicia, après ils sont démolis, là il n'y a plus que le hangar. Alors il faisait 40 tonnes de chaux jour à ce moment-là. Alors on avait des wagonnets, il fallait faire 12 wagonnets en 8 heures, on en faisait 35. Moi j'étais le seul Français avec les Arabes. Puis c'était autant de l'OAS, là. Tu sais, il y avait une équipe, un initiateur d'arabe, on ne disait rien, mais celui qui menait, il avait le pétard dans la poche. Hein. On travaillait en galerie. L'hiver, on travaillait en galerie. On était bien avec la lampe à carbure. Alors, il fallait casser les cailloux. On avait la masse, la pelle, la triandine et la fourche. Il fallait faire 12 wagonnets. On en faisait 35. On était payé à tâche. Ouais, on était payé impeccable. Alors, j'allais au boulot. À la carrière, on y a été en vélo, on y a été en moto, on y a été en auto, on y a été en ski, on y a même été à pied. En 48, quand ça a fendu les platanes, là, que ça a gelé dur, que ça a tout, tu sais, que ça gelait, ça a fendu les platanes. On y allait à pied avec le père petit, avec la canne, on pouvait pas. C'était verglacé partout. Oh, mais ça rappelle la carrière. Je dis, pas les retourner, j'y retournerai, tu vois. C'est le cas de dire. Hein. Après, ils nous ont amenés en. Oh, c'était en. 58, 59, je suis années 60. Ils nous ont amené les Autrichiens, les fours autrichiens. Alors, ils nous ont fait un four de 100 tonnes. Alors, ça a été tout automatisé. Hein. Alors, on était à l'école, là. On avait un tableau de bord comme la table, là, avec des pianos et tout machin. Et après, ils nous ont recollé un troisième four. On faisait 400 tonnes de jour, les faillets, tous les jours. Les faillets famille. Ça coulait pour en bas. Et puis, tu vois, il n'y a plus rien. Alors, j'ai fait 30 ans de carrière à la carrière. C'est là que j'ai le plus travaillé, puis j'ai bien content. Mais, entre-temps, ils ont ramené deux fois les souliers à la maman, parce que, asphyxié, j'ai manqué de mourir trois fois. Par les gaz, parce qu'on montait les escaliers, on était à 50 mètres de haut, hein. On montait 7 tonnes de matériaux mélangés. De la pierre et puis du charbon mélangé dans une assiette comme ça, qui tournait. Alors il y avait le charbon d'un côté, la pierre de l'autre, du petit calcaire, et ça tournait. Il fallait y arrêter, les machines reculaient, et on montait à 50 mètres 7 tonnes, 5, de matériaux dans les fours. Et puis dessous, on sortait, il y avait des extracteurs automatiques, dessous on sortait tapis. Puis on faisait de la poussière de chaux pour la cimenterie. 8 cas de Grenoble. Alors, les citernes qui venaient. Et puis, ils faisaient du carbonate, de la poussière de pierre. L'été, on faisait de la poussière de pierre pour qu'on passait. Il y avait un moulin en bois à la gare. Alors, ça servait à faire du talc. Ça servait pour l'aliment, pour le bétail, puis pour le caoutchouc. Tu sais qu'on était trois maires à la carrière. Il y avait le maire de Saint-Germain-du-Rhône, Gier. Il y avait Roland Miola, puis il y avait Blanc. Alors, il cherchait le maire de Billard. Oui, il est Blanc. C'est celui qui est tout noir, là-bas. C'était dur, quand même, non, d'aider le boulot, là. Nous, on était habitués à la dure. Mais on restait des journées entières à la charrue avec les bœufs. On avait le temps de réfléchir, puis on avait fait des kilomètres. Hein. On a été jusqu'à Arlo, là-bas, où il y a le cinépage maintenant. On y a labouré là-bas. On allait labourer là-bas. Le père Robert Pillet, le père à la Gégène, là-bas, eh ben, il est parti au régiment. On a encore fait sa propriété là-bas, vers le stand de tir d'Hercheret. D'Hercheret, le bistrot Ray, Arlo. On allait avec les bœufs, hein, avec les bœufs. Oh putain. On en a fait, oui, on en a fait. Ah ben ouais. Et puis là, dans notre jeunesse, on n'avait pas le choix. Pour le dimanche après le 15 août, on allait à la fête d'Hortor. J'allais vous poser la question, vous en faisiez quelques fêtes C'est sûr, on allait à la fête d'Hortor. Alors on montait à pied, casse-croûte, les filles, tout ça. On était une trentaine à monter à pied. Alors on montait par Dabano, La Roche, on montait les capettes, on arrivait au Charnay, on descendait la Croix de Montléry, et puis on arrivait à la ferme d'Hortor, la ferme d'Hortor qui est sur Billa, et puis on arrivait à la chapelle, parce que la vieille chapelle, la vraie chapelle, les vestiges sont sur la commune de Billa, à la ferme d'Hortor, il y a encore les pierres, parce que maintenant la chapelle elle est sur la commune du Grand Hébergement. Mais avant, elle était sur la commune du Bien, la vieille chapelle. Et puis là, pendant que j'étais maire, c'était comment, le maire de. D'un côté de. Comment il s'appelait le maire de. Pas de Villars-les-Dons, de. Merde, son nom. Eh bien, c'est lui qui a installé. Quand ils ont fait la chapelle, ils ont amené la lumière à la chapelle d'Hortor. Et ils ont mis le transformateur derrière la chapelle. Et on regarde depuis la chapelle, il y a le transformateur, mais Lui, pour pas défigurer, ben moi j'étais pas d'accord, puis il nous a usurpé une délibération du conseil municipal, il a fait ça sans notre accord. Il a tout mis sous terrain jusqu'à la chapelle, il y a 2 kilomètres quand même, depuis la chapelle d'Hortor actuelle jusqu'à à la ferme d'Hortor, et ben c'est tout sous terrain. C'est pour ça qu'il y a la lumière à la ferme d'Hortor maintenant. Ils en ont fait un gîte. Ben, ça a été abandonné, dans les années 60. C'était les mulmataires et ils sont restés jusqu'à la chapelle d'Hortor. Ils fromageaient là-haut, hein, près de Vins, c'est qu'il y en avait des fermes. Hein. T'avais là-bas, comment ça s'appelle la maison, la fruitière de près de Vins. T'avais les Capettes. T'avais le Charnay, t'avais la fruitière, la ferme de Rotor, t'avais Préneret. Ils amenaient tous leur lait, là, à la fruitière, et ils fromageaient. Et les mulmataires, ils ont arrêté dans les années 60. Puis après, c'était repris. Et, ah, merde, son nom, le maire, pourtant, c'était... Ah, c'est non, hé. Il y a encore une descendance. C'est à côté de Miribel, il était maire. Et puis, oui, ben, on faisait la vogue de bien, on faisait la fête de bien, avec rien, on avait tout. Avec rien, on faisait tout, puis maintenant, avec tout, ils ont rien. Non, mais c'est vrai, il y a une sorte de défaite. Ils sont plus capables de former une. Nous, les jeunes, on faisait une tombola. Alors, ben, on faisait une tombola chez Parizeau, c'est le père de Beau. Oh, mais il y en avait des choses. Alors, j'ai préparé un truc. Hein. Faites seulement. J'ai préparé un truc. Alors, je vous ai énuméré, parce que... Oh, ben, les décidants ont encore. Hein. Alors, je vous ai énuméré quand même, parce qu'il n'y a qu'une chose aussi, Abilla, qui est unique au monde, et puis dans toutes les communes, il y a encore l'Angélus le matin, à 7h, à midi, et puis le soir, au clocher, qui sonne. Ailleurs, vous ne trouvez plus l'Angélus, plus rien. Hein. Plus rien. Et puis, moi je parle de Billa, mais Davano, il y avait Davano. Davano, c'était l'hameau. Puis il y avait un hameau, qui s'appelait Les Lardes. Les Lardes ont disparu par rapport au tunnel, parce que les maisons étaient démontées par rapport au tunnel. Et puis, disons que à Billa, avant la guerre, sur le machin. Il y avait une pancarte en bois avec le syndicat d'initiative à la première maison en arrivant qui était marquée. Il y avait 600 habitants. Et puis il y avait les zones, les sites à aller voir. Alors il y avait le pas de Malpertuis, c'est un paradis là où il y a le poste, là, tu sais, en bas de Saint-Jean. Et puis il y avait la ferme d'Hortor. C'était les sites de promenade pour le tourisme. Et puis. Bien, à ce moment-là, il y avait 600 habitants. Puis maintenant, on a 5 lotissements, on a 632 habitants que sur le calendrier. On n'a pas changé, pourquoi ? Parce que dans toutes les familles, il y avait le père, la grand-mère, l'arrière-grand-père, les familles. Il y avait 3-4 ménages par maison. Pendant le barrage, là, sur le magasin, là, l'épicerie, là, il y avait l'épicerie, puis 2 logements. Maintenant, ça appartient tout au même. Et là, on est à 632 sur le calendrier des postes. Alors, tu vois, avec 5 lotissements. Alors, je vais faire l'état des lieux. J'ai connu 10 maires. Hein, depuis 80 ans, oui, à peu près depuis 80 ans. Et puis, j'ai connu 5 curés. Alors, entre autres, l'abbé Hébel. C'était un curé, l'abbé Villemain, et j'ai un document d'une demoiselle de l'usinan qui m'a encore envoyé des documents, là. Parce que l'abbé Villemain, c'était un chef, il avait fait l'armée, c'était un officier de... Il a fait les camps de concentration. Et c'est lui qui a fait construire la petite chapelle quand tu vas sur le Fier. Après, c'est celle quand tu vas... Avant d'arriver... Il y a une petite chapelle qui est dans le rocher, là. C'est lui qui l'a fait construire. Alors, il avait une camionnette, c'était marqué la vie belle dessus. Tous les gamins le courent après. Il allait chez les demoiselles, là-bas, les épiceries. Il prenait les bonbons et décevait les bonbons aux gamins. Oh, mais il était content. Alors, 5 curés. Et puis pareil, les instituteurs, 5 instituteurs. Alors, je vous ai fait, je vous ai fait l'énumération, il y avait à ce moment-là, hein, dans le temps, c'est dans le temps Billard, hein. Il y avait une fruitière, et puis un hôtel tabac. Et puis, il y avait une boulangerie, un cordonnier, un meunier, un scieur, et qu'est-ce que j'ai marqué là ? Merde. Ah oui, un menuisier, un maraîcher, et puis huit forains qui faisaient les marchés. Le bon Fontrait, là, qui était là, qui faisait la laine, et puis le père Passini, là, qui faisait les vêtements. Et puis, bon, on a un château, une église, c'est sûr, mais on a des fermes isolées. Alors, les fermes isolées, on a la Gautière, là où il y a Angelot, hein, on a l'Aravoir, on a Saint-Jean, on a Grania, là, le maraîcher là-bas, tu sais, derrière le moulin, La Roche, la ferme d'Hortor, et puis la Naîtrière, là, où il y a la ferme à Trocon, là, tu sais. Ouais. C'était une ferme, là. Il a refait une ferme, Trocon a refait une ferme, mais c'était une ferme. Alors, c'était les fermes isolées. Et puis la colonie, il y avait une colonie. La colonie, là, la propriété, dans le temps, c'était un poulailler. Après, pendant le barrage, ils ont fait des logements d'ingénieurs. Et puis après, ça a été racheté par les nouvelles messageries parisiennes. Ils y ont fait les Heures Joyeuses, la colonie de vacances. Ils ont venu pendant 10 ans, là, la colonie. Puis quand ils ont vendu, ben, la commune a décidé d'y acheter. C'est là où on a fait la mairie. Là, on a fait la machine... l'école, et puis le lotissement là derrière, et le cimetière. Alors maintenant, c'est tout groupé. On a la mairie, les écoles, et puis le lotissement. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Ah ben, on a fait l'assainissement de Davano, sous l'impulsion du maire de Saint-Genis, Hubert. Ouais, et puis, bien, on est sur l'eau et on n'a point d'eau. Pourquoi ? Parce que bien, on est sur une butte, c'est comme le credo, ça a dû faire un amoncellement de limon, c'est du sable, machin, granuleux, mais qui est dur comme de la pierre. Et en 48, quand on a manqué d'eau, moi, j'ai creusé mon puits à 4 mètres de profond, avec une petite piochette comme ça, retournée, puis la massette. Je suis descendu à 4 mètres, sur 1,50 m de circonférence. J'ai un puits, j'ai toujours de l'eau à mettre dedans. Tu creusais 30 cm de terre arable. Le lendemain, le trou était plein d'eau. Et on n'a point d'eau. Et on a la source, on n'a que deux sources, la source de Davano et la source des malades, qui alimentait le ruisseau de ville, l'avoir de ville. C'est chez Jacquemet. C'est la source des malades, ça. Ça s'appelle ça la source des malades. Et on avait que ça. Et dans le temps, il venait soigner les malades avec l'eau de la source, par là. Ouais. Et puis, oui, la source était au Bourgelat, puis les Moraines Blanches. Les Moraines Blanches, elles étaient réputées pour les escargots de Bourgogne. C'était tous des escargots comme ça. Les gros escargots blancs, affreux, les escargots qu'il y avait. Puis les Espagnols sont venus, là. Ils ont tout ramassé. Parce qu'il faut dire une chose, c'est que dans le temps, Billa, c'était presque une forteresse. Là-bas, il y avait un mur. Là-bas, on appelait ça la tour. Mais la route principale qui venait d'Arlo, elle passait derrière les murs, puis elle montait là, vers la fruitière. Elle montait à la montagne. Et puis s'il fallait aller à Génicien, on descendait là. S'il fallait aller à Chais, c'était au tournant de ville. La route qui montait de Belliard, arrivait à la ferme de Grandia, il fallait prendre la route pour aller à Chais et puis à Machin. Tout ce qui est goudronné, ça a été tout frais. C'est toute la prairie qui a été prise. La route de Cessel, la route initiale. Pour aller à Ville, pour aller à Ochia, ben Ochia c'est pareil. Ils ont coupé la route, là, la gorge. Ils ont coupé la route dans le bourreau, là. Quand tu arrives au sommet, là, sortie du moulin, tu as la route, il y a un grand virage, mais dans le bois, là. Ils viennent de couper les sapins, il n'y a pas longtemps. Ça a tout été modifié. Alors, voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai marqué encore? Ah, ben oui. Alors là, je vous ai invité tout ça. Alors, il y a une chose qui m'a toujours sauté à l'oreille. J'ai eu des discussions avec ça, et puis j'ai ça encore. Les églises. Pourtant, Pourtant, j'étais enfant de cœur, j'ai bu l'eau du curé, enfant de cœur, comme tout le monde. J'ai porté la soutane, on s'est fait engueuler pour aller à l'enterrement quand on était à l'école. Et puis, on faisait engueuler le jeudi par l'instituteur parce qu'on était à la BAD. Les vieux nous tenaient bien au courant. Alors, on avait deux bêtes noires, le curé et puis le machin. C'est ce que j'ai dit à ma femme, souvent. J'ai dit, mais on était abusés par l'église. On allait au catéchisme à 8h du matin pour aller à l'école à 9h. Ça allait bien. Le dimanche, il fallait aller à la messe le dimanche, au vêpre l'après-midi, et puis au soir, au complit. Oh, ben non, il y en avait assez, oh, les gamins. Et puis maintenant, tout le monde en est, hein? Ah, arrête. Alors moi, souvent avec ma femme, dans les discussions, je ne discute plus parce que... Voilà. Est-ce qu'elle vous énerve? Voilà. Alors, non, mais l'histoire de religion, moi, je ne veux pas en parler parce que, comme j'ai dit à l'hôpital, pour ne pas parler de religion, puis même en machin, la politique, c'est la politique, la religion, c'est la religion. Ça, c'est sûr. Hein. Alors, les églises, pour en revenir aux églises, est-ce que vous avez déjà remarqué, en Michel, la position des églises par aux quatre points cardinaux? Alors, je vais commencer par... Oh, allez, on commence. Il y en a deux qui font exception, c'est Châtillon et puis Bellegarde. Châtillon, c'est plein nord, et Bellegarde, c'est plein nord. Mais celle de Billat, tu prends celle de Billat, c'est plein ouest. Tu prends celle d'Ajou, c'est plein ouest. Tu prends celle d'Initia, c'est plein ouest. Tu prends celle de Chanet, c'est plein ouest. Tu prends celle de là-dessous, Surjoux, c'est plein ouest. Tu prends Auchias, plein ouest. Bouvray, plein ouest. Pourquoi? On n'en sait rien. Est-ce que c'est par rapport à la bise? Par rapport au soleil? Ben oui, il me semblerait, au levant et au couchant. Moi, c'est ce que j'en déduis. L'église, à l'ouest, tu vas te coucher, à l'est, tu te lèves. C'est ça. Enfin, moi, j'en déduis ça. J'ai remarqué ça. Et Châtillon, c'est plein. Enfin, c'est comme dans le temps du temps de machin, là. Comment se l'appelait Pérouse en a assez parlé. Qui a brûlé les églises du temps de la Révolution. Il a brûlé les clochers, comme à Léa, comme à Ville. Mais ils ont remis des clochers, maintenant. Mais pour dire, on ne sait pas pourquoi, mais il me semblerait que ça ressemble à la nature, au coucher et au levant. Pour moi, c'est ça. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué encore? Oui, j'ai presque tout dit, Châtillon. Oui, Châtillon Nord et Bellegarde Sud. J'ai presque tout dit. Dédé. Ah ouais, c'est une vie bien remplie. Ouais, moi, j'ai accompli ce que je devais accomplir sans trop me casser la tête parce que le calcul mental, ça ne me dit rien. Écrire, ça ne me dit pas grand-chose. Mais creuser un peu la nature, le machin, moi c'est une nature. Champignons, oh ben les champignons, alors là, j'en ai pas parlé parce que ça me fait mal au cœur, parce que ça fait 3 ans qu'on en a plus, puis c'est temps qu'il y en aurait en pagaille, quand je les vois aller ramasser des bolets, des machins, que je pourrais y aller, mais je peux plus. Avec ma poche, je peux plus me prenner. Dédé, il y avait une sacrée vie de village quand vous étiez maire. Mais je vous dis, j'ai été élu maire par rapport aux gens. Une population d'anciens, c'était tous des anciens. On revient à vous dire, par rapport aux habitants, ils ont pris conscience de la chose. C'était une vie de société, de solidarité. Celui qui n'avait pas l'attelage pour labourer, on y allait labourer son champ. Bon, c'était un autre échange. L'eau. Il y avait 3 fontaines. Et puis, il faut dire aussi que je vous ai dit sur Billard, on est sur l'eau. Mais dans le temps, il n'y a plus de 30 puits à Billa. Puis on est en train d'en faire. L'eau, elle est à 2 mètres, mais il n'y a plus de 30 puits. Ils viennent d'emboucher un là sur la place, parce que sur la place, ce n'était pas la place. Ça revient à dire que la route principale de Bellegarde, elle n'était pas la montagne, mais Billa est entourée. Et la place de Billa, là où on est, là devant le magasin, c'était le jardin de M. de Billa. Et au milieu, il y avait le puits. Puis un puits, attention comment il était fait. Hein. Il y avait une architecture de pierre dessus, dis donc. Il y a 3 ans, ils l'ont supprimé par rapport, ils ont refait la place, ils ont goudronné. Mais c'était après. On a des puits partout. Comment vous voyez Billa, vous, aujourd'hui? Ça vous rend triste, ce manque de... Je vois Billa triste parce que j'habite dans le vieux quartier, le plus vieux quartier du village. Et les gamins, ils vont à l'école en auto. Maintenant, ils y vont en trottinette, faut faire attention. Ils y vont en vélo. Les contacts, on ne les a plus. Il y a la télévision qui a tout cassé. Les gens, on ne les connaît plus. Ils ne disent même plus bonjour. Ils montent la rue avec une tasse de café, puis 3 chiens en laisse. Non, c'est triste. C'est triste. C'est triste. On n'a plus contact. Et puis, des vieux billards, 600, des vieux billatus, je parle. Hein, 600 reste une dizaine, c'est tout ce qui reste à billard. Moi, je ne suis pas billatu, mais enfin, d'adoption. D'adoption, diront. Mais pour dire des vrais billards comme ma femme, parce que ma femme, elle est née des descendances italiennes. La famille. Et elle est à Parone, en Italie. Et eux, ils étaient 7 frères. C'est eux qui sont venus avec leur caisse et puis leur truelle, qui ont construit la moitié de la rue Lafayette, en 1900, je ne sais pas. Mais pour dire, mais bien sûr qu'il y a du monde, mais du monde qui, c'est pas une vie. Il y a, à part une société de chasse, et puis sous des écoles. Quand on voit, moi je vois des jeunes, ils ont des enfants, mais c'est plus une vie de famille. On mène le gamin le matin à 7h à la crèche, on le laisse à midi à la clientine, on le remet à la crèche jusqu'à 6h du soir, il rentre, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que le lit pour se coucher, puis le mazer parti. Et puis encore le samedi, ben les parents ils vont peut-être faire la fête, ils prennent encore une nounou pour garder les gamins. Non mais c'est plus une vie de famille. On dit que les gamins ils sont isolés, ils n'ont plus de... Mais nous, on a appris à vivre en famille, hein, avec nos parents, nous ont éduqués, on savait ce que c'était. Moi, la grand-mère, à 10 ans, je traînais le grand râteau, ce qu'ils appelaient la galère. Mais la grand-mère, tu sais ce qu'elle faisait à 11h du matin? Ah ben gamin, allez, tu vas... Parce qu'on n'y avait pas les engins à ce moment-là. On rejoignait le foin tout au grand râteau. Hein. Alors on partait à 11h du matin, puis on rentrait à 3h l'après-midi. Alors, dans un verre, elle mettait du vin rouge, hein, du Côte-du-Rhône, comme je dis, de Genève à Marseille, et puis un jaune d'œuf avec du sucre. Ils appelaient ça un lait de poule. Hein, tu partais comme une flèche. Hein. Oh, t'en avais été très tranquille. Hein. Jamais malade. À part les dents. Les dents. J'ai un dentier depuis que je suis allé au régiment. On a trop mangé de chocolat. Oh là là. Dédé, vous disiez à l'instant, j'ai une vie bien remplie. Si vous deviez sortir un ou deux meilleurs souvenirs de votre vie, c'est quoi? C'est vos enfants, vos petits-enfants, famille, La famille. Moi, la famille, j'y tiens. J'ai encore une descendance. J'ai encore le livre de famille de mes parents, comment ils sont nés, où ils sont nés. La famille, pour moi, c'est... Il n'y avait qu'une chose où j'ai été une partie qui est heureuse de ma vie pendant que j'avais. C'est d'avoir eu un garçon après 3 filles. Parce que je voulais que la descendance reste. Et puis, moi, je suis un gars capricorne, je suis de la terre. Et mon fils, il n'y a que les vaches qui comptent. Mais maintenant, il n'y a que des vacheries. C'est ça le travail. Et tu lui dis à mon fils. Qu'est-ce que tu préfères, ta femme ou les vaches? Oh, ben c'est pas de problème, hein. Parce qu'il a une femme comme ça quand même, hein. Tu connais, hein. Et je crois qu'il est... Je sais pas, mais malgré son caractère, il a bien choisi. Parce que tu sais, elle a pas peur d'abattre une vache, elle. Hein. Tu sais qu'attention, elle sait tout faire. Hein. D'ailleurs, à Bogne, il y avait une famille, elle est... Attention, hein. Ils savent tout faire. Ils disent rien, mais ils savent tout faire. Hein. Ah oui. Au niveau gérance, au niveau organisation, au niveau machin... Oh mais affreux. Hein. Ah, mais François, c'était... Bourbouillon. François, Bourbouillon. Et là, on avait à choisir entre deux, parce que j'ai fait 30 ans de carrière, mais moi, je suis parti... Je n'ose pas trop le dire, mais encore ça, c'est encore autre chose, parce que je suis parti en 86... Paix à leur âme, tous ceux qui sont partis, même le père Rouget. Je suis parti en 86, il est venu un jour, puis il a dit, vous savez, on était trois André. Vous savez les André, hein, eh ben, vous pouvez partir à la retraite quand vous voulez. Ben, il nous avait dit ça au mois de novembre. Ah non, de Dieu, pour la Saint-André, on a foutu le camp, on n'a pas attendu la fin de l'année. Il a dit, vous pouvez partir en retraite, hein, c'est le moment. On a foutu le camp, brrr, 30 novembre, on a foutu trois André, on est parti. Si bien que dans les papiers, c'était au bureau à Péchinet, ils nous avaient oubliés pour notre retraite. Il a fallu qu'on aille à Nantua pour remplir des papiers. Alors, je me suis mis avec François, on avait le choix. Voilà la maman. Sorgia FM, qui nous a bien occupés, puis qui nous occupe encore. Hein. Ah ouais, il y a des vieilles chansons, puis la corde. Si tu veux de la bonne musique, il faut écouter l'accordéon à Sorgia FM. Alors, je suis venu, parce qu'avec François, on avait deux solutions. Soit de racheter la Nétrière, sous l'égide de Trocon, sur les vieux garçons à Bourbillon. J'ai dit, tu prends les vieux garçons. Et il n'y avait qu'un hangar. Hein. Pour aller voir maintenant, c'est un village. Ah, ça me fait peur. Bon, c'est bien que c'est bien simple. Encore hier, d'habitude, je voyais la Savoie, la Haute-Savoie. Si. Je voyais la Haute-Savoie depuis la Bourbillon tous les matins. Maintenant, il a mis le hangar, je vois plus. J'ai même pas vu la fumée de l'incendie avant-hier. Il a fallu que je vienne sur mon balcon pour voir l'incendie. Oh, ben c'est quelque chose. Mais le bâtiment qu'il a fait là-bas, il est heureux. Enfin, il est heureux. À sa manière, parce que c'est sa génération. Hein? Et puis son fils, c'est l'autre génération. Moi, j'appelle ça la génération 50, la génération des tracteurs. Parce que là, on a habitué aux tracteurs, on en avait qu'un ou deux. Il fallait tout faire avec deux tracteurs, maintenant il y en a quatre, il n'y a plus assez de chauffeurs. Alors il y a un outil à chaque tracteur, si c'est bien, parce que dans le temps il fallait changer les outils, tout ça. Tandis que maintenant, chaque tracteur a son outil, tu fais ci, tu vas pocher, tu prends celui avec la pocheuse, tu vas rateler, tu prends celui avec la rate. Mais c'est des hélicoptères, tu t'envoles. Non, puis on n'a plus les réflexes pour. Puis, faut dire, mais on n'a pas des plaines là. Il y a des chemins. Alors, ça va bien, maintenant, il y a des élagueuses. Ils entretiennent. C'est vrai, les jeunes, maintenant, les propriétés, ils les entretiennent. Ils ont arraché un peu les haies. Dommage, les oiseaux, bien sûr, les oiseaux. Comme dit la Simone, on ne voit plus d'hirondelles. Si, on les voit. Quand tu vois arriver les jauvages, je dis, tiens, là, les hirondelles sont de retour. André, si tout ça était à refaire. Ah, ben, j'y referais. Pareil. Ah, pareil. À l'heure actuelle, j'y referais pareil, avec la même idée et tout. Il n'y a pas besoin de trop d'instructions, il faut vivre simplement, librement, avec la nature. Et puis, la nature, elle prend toujours le dessus, il n'y a rien à faire. Tu ne veux pas empêcher la pluie de tomber, tu ne veux pas empêcher la... Tiens, là-dessus, hein, là-dessus, le voilà, tiens, oh, voilà. C'est marqué, je vais vous montrer. Et tout le monde rigole, hein, tout le monde rigole. Regarde ce qui est marqué là pour le mois de novembre. J'ai pas de lunettes. Non. Eh ben, le 6, pluie, neige. Le 14-15, pluie, neige. Mois de novembre, hein. Le 20, bourrasque. Et la fin du mois, pour la Saint-André, pluie, neige. Eh ben, s'il neige au mois de novembre, il neigera plus de l'année. Et la feuille n'est encore pas tombée, hein. La sève était remontée, la sève est remontée par le temps qu'il fait. Mais tu verras, tu verras. D'ailleurs, la neige, on en voit de moins en moins. Hein. La neige, j'en ai moins en moins. Moi, j'ai un toit. Quand j'ai fait faire mon toit, j'ai dit à Ninette, tu mets des rayons de neige. Ma maison, elle est de 1700, elle est de l'église. C'est une vieille baraque. Il m'a dit, la charpente, il y avait 17 tonnes de tuiles sur ma charpente. J'en ai mis plus que 5 tonnes, la tôle. Mais je vais mettre des araignées parce que quand ça gerbe, hein, ça chique au milieu de la route. Mais je dis, moi tout. Alors il ne veut pas m'en mettre parce qu'il me dit, non, non, il ne faut pas laisser la charpente, il ne faut pas laisser. Mais la neige, il n'y en aura plus, la neige, il n'y en aura plus. Vous pensez qu'on en entend beaucoup parler de dérèglement climatique? Mais oui. C'est en train de tout changer, là? Oui. Mais bien sûr, on a tout changé. On a changé la nature. Dans le temps, il y avait des prés artificiels, t'allais aux champignons. Tu trouvais des champignons toute l'année. Cette année, c'est tout des machins, la luzerne, des trèfles. Ils sont en train, maintenant, pour remplacer le maïs, ils mettent du soja. Ils viennent d'attaquer les sojas. Je dis pas que c'est une mauvaise solution, mais on change tout, le climat. On va mettre des graines où il y a de l'humidité, où il faut moins de pluie, ça c'est sûr. Et avant, tu avais des prairies naturelles, tu as les bêtes en champ. Nom de Dieu. Moi, chaque fois que je vois les bêtes à Tabelle, enfin, c'est pas cette année, c'est l'année de sec, et ils sont obligés de les mettre dehors. Mais oui, plus de jour, elles sont sur le béton, du matin au soir. Elles tournent en rond, on leur donne à manger. Mais c'est pas une bite bête, ça. Même l'humain, mets-toi autour de la table toute une journée, mais tu deviens fou. Les neurones, tu tournes casaque. Non, mais c'est vrai. Mais ce qu'il y a, moi, ce qu'il y a, c'est que, sitôt que j'ai quelque chose, j'ai un remède. Hein. J'ai un remède, c'est la machine des chartreux, la verte, pas la jaune, la verte, avec un sucre, un peu d'eau chaude, et c'est reparti pour 14. Ça vous maintient en forme? Ah, pas de problème, c'est mon remède idéal, ça. Puis quand ça va pas, eh ben, tu prends un isopaïne, là, vite fait, mais bon, non. Dédé, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vous mettent en colère, non? Ouh là là! Bien sûr qu'il y a beaucoup de choses qui me colèrent. Bon là, encore maintenant, là ça pleut. Mais ces temps, les gamins, ils viennent à l'école en trottinette. Ouais, ils te coupent la route sans regarder les machins, les passages piétons, je suis bien d'accord, mais ils les regardent même pas! Ils traversent. Mais c'est affreux. La vie de société, il n'y a plus de vie de société. Il n'y a plus de vie de société. Les gens, tu dis, bon, on fait une réunion de toutes les écoles, plus personne ne veut s'occuper, plus personne ne veut prendre de responsabilité, plus personne ne veut s'occuper. Les gamins, il ne faut pas les toucher. Ils doivent faire tout. Encore là, avec mes petits-enfants, il y a des moments, je leur dis, oh, arrêtez un peu, hein. Vous les privez un peu de télé, je sais bien. Vous les privez de bonbons, je sais bien. Les gâteaux, parce que ça esquinte les dents, je sais bien. Mais quand même, chaque chose en son temps. Les gamins, on a tous été gamins. Les bonbons, c'est bien fait pour les gamins. Hein. Le chocolat, c'est pareil. Bon, il y a des moments, si t'en manges trop, ça se constipe. Ça, j'y suis, je sais bien. Parce que... Ah non, mais moi, vous m'arrêtez de parler, ça va être dur. Pourquoi on te qualifie de Dédé la brocante? Ben parce que toutes les vieilleries, moi, une rondelle par terre en menant du pain ou machin, ou un bouton, moi, je ramasse tout. Tout. Ça peut servir. Là, je mets des bretelles, parce qu'ils m'ont acheté des pantalons, parce que les pantalons, maintenant, je ne peux plus les mettre. Mais disons que j'ai maigri un peu. Alors, quand je vais aux toilettes, je pose les bretelles, mais je marche des fois sur le machin, là. Alors, ça se décroche, merde! Ça y est, la bretelle est foutue. Alors, tu récupères le machin, puis tu la répares. Puis rien, c'est reparti. La bretelle est repartie. Ah, mais c'est tout comme ça. Tout comme ça. L'atelier est toujours bien garni. Ah, les outils. Toujours. C'est pour te dire que. Bon, j'ai arrêté de souder parce que les yeux, tout ça. Et puis. Bon, pour mettre les lunettes. Mais je ne mets pas de lunettes. Je mets des lunettes que pour lire comme ça, mais autrement. Non. L'autre jour, j'ai dit, mais j'ai les yeux qui pleurent quand je regarde la télévision le soir. J'allais chercher mes lunettes, manque de peau, j'ai pris mes lunettes de soleil. Oh merde. Et bien, j'ai retourné, parce que j'ai des lunettes de vue pour la conduite et puis des lunettes pour lire. Mais je n'ai jamais de lunettes. Qu'est-ce que vous regardez à la télé quand vous regardez la télé soir? Les informations et puis les machins de nature. La nature. Non. Tiens, encore aujourd'hui, je viens de lire le journal. Ça fait 8 jours qu'ils ne nous parlent plus de l'Ukraine. Ils ne nous parlent que d'Israël. Bon, ben, je suis bien d'accord. Mais nous, les vieux, tu vois bien, le matin, tu prends ça. À midi, tu prends ça. Les informations régionales. Et nous, ce qui nous plaît, c'est machin, comment il s'appelle là? La montagne là, à 1 heure. Et puis, disons, Drucker, le dimanche. Et puis, le samedi, là, il y a le machin des vieilles chansons, des vieux artistes, comment hein? C'est pas mal, les années 80, ça c'est bon. Voilà ce qu'on regarde. Et puis maintenant, ben, la mémé, le soir, maintenant on a pris l'aristo, à 9h on est couché, hein? On va bien. Bien de se lever à 10h. Mais ce qu'on a connu, là, ces 3 ans, non. On est au point. On est au point. Ça va mieux. Oui. Ouais. Alors, on a décidé qu'on allait remercier. La gourmandine en retournant avec une vingtaine d'invités. Mais on n'a encore pas décidé la date parce que. On a dit que cette année, encore là, là j'ai oublié une chose primordiale à Billa, et qui vient me saute à l'oreille maintenant, que j'ai pas marqué, pourquoi j'ai pas marqué? Mais non, mais c'est maintenant que j'y pense. On va aller au repas des vieux, on sait pas quand, mais c'est au mois de décembre. Si on est en forme comme ça, on va au repas. Mais je vais leur dire, au conseil. Ils ont fait une topographie là-bas sur la route du cimetière vers la salle des fêtes. La fresque qu'ils ont faite, vous les connaissez. La petite fille, impeccable. La balserine, impeccable. Le poisson, impeccable. Mais comme j'ai dit, il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque? Nom de Dieu, mais c'est pas possible. Tu pars de Billard pour aller à Bellegarde, tu passes 4 ponts. Tu vas à Ville, tu passes un pont, tu descends à Génicia, tu passes 2 ponts. J'ai dit, mais ils n'auraient pas pu faire un petit pont avec la rivière de la Valserine. Ils nous ont amené la Valserine là, mais mettez-y un petit pont. Alors ça, ouais. Mais alors l'adjoint m'a dit, mais il fallait y dire avant. Ben, j'ai dit, attends. Mais le jour du repas, je vais demander la parole au maire et je vais leur dire, vous faites un petit pont. Hein. C'est ma dernière volonté. Ah non. J'ai le livre des ponts de la rivière d'Ain, mais on a fait la Valserine, c'est joli, tout, la petite cuille, c'est joli, mais quand tu vas à Bellegarde, on prend cher 3-4 ponts, il y a des ponts de tous les côtés, ils auraient pu faire un petit pont sur la Valserine. Mais on n'y va pas seulement. Non, mais pour dire, c'est mon regret. Mais autrement... Non, la plus belle chose de ma vie, c'est d'avoir connu ma déesse, de Matteo Simone. C'est ça. Il ne faut pas y inventer, ça. Hein? Eh oui. Et pourtant, hein, je voulais lui apprendre à conduire au milieu des vaches à retors. Eh bien, elle n'est jamais remontée dans une voiture. Puis maintenant, elle a loué une petite voiture, elle a un ticket pour se garer sur les personnes handicapées. Non. Ben, si tous les handicapés étaient comme nous, ça irait pas mal. Parce que quand on est malade, je suis resté 15 jours à l'hôpital, à Saint-Julien, je ne savais pas ce que c'était que l'hôpital. Mais les gens, les infirmiers, ils faisaient du souci. Ils ne me voyaient pas marcher, ils ne me voyaient pas manger, 14 jours sans manger. Je ne buvais que le café le matin. Pas moyen de manger. Le repas, ça ne me disait rien. J'étais sorti de la cuisine à la Simone. Là. Mais oui. 70 ans de mariage, 70 ans de bonheur. Oui. Malgré un certain nombre de choses. Si, on a eu 2-3 accrochages. on a eu des choses, bon, ça, on le dit pas trop, mais disons que on a eu des ennuis de famille, bon, avec, tu sais bien, bon, d'ailleurs, on a quand même gardé, moi, je l'appelle, la petite, là, elle a 30 ans, je l'appelle la choune, parce qu'elle avait 4 mois, elle était là, si machin, elle pleurait, c'est sûr que c'était un gros coup pour nous, hein, mais pour tout le monde, mais disons que, là... Ça fait partie de. Ça fait partie de la vie. Il a fallu y accepter. Hein. Et puis là, bon ben, on ne sait pas comment ça s'est trop passé, s'il était en faute ou s'il n'était pas en faute. Hein. C'est la faute d'un gamin en vélomoteur, puis c'est tout. Pour moi, c'est ça. Une erreur de jeunesse. Pour moi. Encore 50 ans comme ça? Ah ben, je ne demande pas 50 ans. Mais disons que maintenant je connais mes arrières, on vient d'avoir la septième, on va avoir la huitième là, au mois de janvier. Arrière. Alors voilà. Non, mais disons que... Bon, les 100 ans, quoi. Oh, je sais pas. On va faire les fonds. Je sais pas, tu sais, c'est vite fait hein, de mourir. Ils disent, quand t'as mal au bras, là, puis quand t'as l'autre, tu commences à taper, c'est des signes d'anxiété. Bon, c'est un... J'ai mal au bras, je fais plus rien. Mais pour dire... Non. Bah, je crois que tu peux t'arrêter, oui. Non, il n'y a qu'une chose. Là, maintenant, on va passer l'hiver tranquille, les bouches chaudes. Disons que non. Moi, je dis une vie bien remplie. Bien remplie. On a connu beaucoup de monde. On a connu beaucoup de gens. Puis on a... Bien démené pour cette... Ah ouais, oh ben, ça, c'est... Parce que je dis, le maire, notre maire, on a un maire champion, hein, quatrième mandat, le boulot qu'il a fait à Billa. Mais tu sais, moi, il y a des moments vis-à-vis de l'eau, parce qu'on a eu, encore là aussi, moi j'ai eu l'histoire de Manon Dessources, avec machin, hein, Hollande, hein, Manon Dessources. Maintenant, des sources, mais 40 bêtes, 70 litres d'eau par jour, il fallait 40 bêtes, 70 litres, il fallait 70, l'eau par, 70 litres d'eau par jour pour 70 bêtes. Il a fait venir à l'armérie, d'Ambérieu-en-Bigeais, en mairie, et puis... Il dit, il me faut 70 l'eau par tête de vache. Ah ben, je dis, bah, écoute, c'est facile à savoir. Hein. Vous avez voulu l'eau, parce que nous, à Billa, l'eau, des fermes isolées, ils prennent le compteur en limite de commune. Après, c'est à leur charge, la conduite. Hein. Et là, il a un compteur en limite de commune. Alors, on est allé, il avait une source là-bas, là, à le ravoir. On est allé au compteur, 70 litres d'eau par jour, bon, 40 vaches. Il y avait 15 mètres cubes au compteur pour une année. Les vaches, il a fallu avertir la SPA, hein, Société Protestée des Asinaux, ils auraient dû toutes crever, les vaches. 15 mètres cubes au compteur, on sait qu'il avait, il en avait bien de l'eau, mais c'est bien une histoire de vengeance avec Pérouse. Arrête. Oh là là. Alors ça, c'est une grosse histoire. Et puis là, avec la gouttière, elle a refait. La gouttière. Le gourou, moi j'appelle le gourou. Oui, mais ça c'est... Ça c'est autre chose encore, parce que son frère il s'est suicidé. Enfin, il est devenu fou, mais l'autre l'a bien poussé. Hein, parce que... Il s'est quand même permis le culot de venir demander en mairie au maire. Et le maire est venu, m'a dit, mais... Au niveau des autres, une inscription de Angelot, la gouttière, on n'a pas de traces. Il prenait l'eau, c'est Bébert qui avait tout le dos. Mais c'est toujours ce que j'ai dit avec la commune de Bellegarde. Et bien maintenant, depuis chez Panchaud, ils ont amené l'eau, il n'y a pas si longtemps, ils ont amené l'eau à Chantavril. Et puis à Panchaud. Parce que pas chez Panchaud. Il est sur la commune de Bellegarde, la Gautier. Il y a la route en haut de chez Panchaud qui fait limite les platanes, là. C'est la Billa-Bellegarde. Enfin, Arlot. eh ben, maintenant, il est relié à Arlo, à Bellegarde. Il n'a plus l'eau de la commune. D'ailleurs, il n'a jamais été inscrit au niveau d'une compteur d'eau à Billa. Oh, mais ça, c'est une tête aussi. Et il a quand même inventé les jeux de la paix. Merde! Non, mais c'est... Non, mais je vais être dur. Hein, ça, vous n'allez pas trop y écrire, ça, si? Oh, Dieu. Un peu d'abord à vos méfier, parce que... On va surtout y entendre. Hein? On va surtout y entendre. Oui, mais... Terrible, ça. Ah, moi, j'ai... Là, c'est des regrets, ça. Oh là là là là là. Qu'est-ce que vous voulez... Non, mais on est obligé. Il y avait quand même des gens valables sur une commune et puis des gens qui sont pas très corrects. Hein? Ouais. Tu sais, quand t'as un réservoir qui est plein le dimanche matin, hein, 500 mètres cubes, et puis le soir, parce qu'il y a une fête à Billa, le soir il n'y a plus d'eau, eh bien, quelque chose qui se passe. Hein? Puis va accuser qui? Va accuser quoi? Oh ben les maires, ils s'en voient déjà assez, parce que le nôtre, il a un sacré courage, puis il a fait du boulot. Hein. Le boulot qu'il a fait, enfin, il a tout changé Billa. Maintenant. T'es plus jeune que toi. Ah ben oui, ah ben oui, mais pour dire. À l'époque, t'as fait non, mais boulot, hein. C'est toujours ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, nous les vieux, on a économisé, on a fait du... Comment on a acheté du terrain, on a fait du foncier. Mais maintenant, les 5 lotissements, il a fallu qu'il y ait du foncier pour faire des lotissements. On a amassé de l'argent, mais les vieux, c'était... Parce que nous, quand on a commencé dans les années 70, au conseil, c'était le patron de la DIMA, là, qui était maire. On a acheté le château, hein. Et ben, il voulait nous pendre. Hein. Il voulait nous pendre, les vieux. C'était la cagnotte, hein. C'était pas autre chose. Hein. C'est les terrains. Leur membrement! Oh non, leur membrement! Oh, voilà, alors là. Tu sais, on dit des actes, là, la machine. On les voit, ils manifestent pour l'autoroute. Ils ont peut-être raison, ils ont peut-être tort, j'en sais rien. Mais pourtant, il faudrait bien de la terre pour se nourrir. Alors, ils parlent de supprimer les voitures. Les voitures, le diesel et tout. Et maintenant, nom de Dieu, ils veulent faire des autoroutes à tout va. Je sais bien, il en faut. Mais pour dire de la terre, il faudrait bien... D'ailleurs, quand qu'on dise du plus petit au plus malin, il sort de la terre. Il n'y a pas de problème. C'est un paysan né. Hein. C'est vrai? Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai ça dans la peau. Hein. Parce que... D'ailleurs, ce qui est triste de l'histoire, c'est que dans le temps, tu avais de la terre. Tu occupais ta terre pour mettre des pommes de terre. Pour manger. Mais maintenant... Là, ça fait 2 ans que je ne fais plus de patates, je les achète. Eh bien, 3, 4 euros les 5 kilos, eh ben, les 2 kilos, eh bien, dis donc, c'est mes chères patates. Et pourtant, comme je dis, un jour sans patates, c'est un jour sans soleil. Hein. Enfin, j'ai de la purée à midi. Non, mais pour dire, c'est vrai, les temps ont changé. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils mangent? Ils vont faire un extra le dimanche ou le samedi au resto, autrement. C'est tout, la machine achetée, vite fait, bien fait. On n'a pas le temps de faire ci, on n'a pas le temps de faire là. La cuisine, ben, la cuisine. Tu vois les menus qu'ils font maintenant. Oh, ben, arrête. Quand tu les vois éplucher les patates, les poros. Là. Oh, ah, ils mangeraient les racines, tout le bazar. Non, mais pour dire, la cuisine dans le temps. Ce que je dis, ça la sœur de son papa, elle était chez la mère brasée. La mère Brasier, ils en parlent toutes les semaines. La mère chef de... Ben, c'est une cuisinière. Bocuse, c'est une cuisinière. C'est un cuisinier. Et quand même des renommées. Parce qu'on a de la richesse sur Terre. Hein. Enfin. Non, mais moi, je râlerai tout le temps. Tout le temps. C'est comme ça que vous causez à vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants? Vous essayez de leur transmettre des choses. Oui, on leur dit ce qui est bien, ce qui est bien et pas bien, hein, de toute façon. Moi, c'est ce que j'ai. Elles sont venues nous aider là, sur notre vieillesse. Bon, la deuxième, alors, la minot, il y va pour changer la cuisine. cuisine. Ben, dis alors. Changer la cuisine. Alors, toi, il faudra changer les, le courant, tout le courant. Toutes ces dents 220 pour y passer en 380 avec tout ce qui va venir. Alors, on a l'habitude. Tu vas dans le placard, tu as l'habitude de ton assiette, tu as l'habitude de ta fourchette, tu as l'habitude de ton verre. Tu sais, le verre, il est culotté. Pas besoin de la vaisselle ni rien. Maintenant, si tu veux quelque chose, un couteau ou quelque chose, heureusement, les lunettes n'y vont pas. Mais c'est tout dans la vaisselle. Ah là là, oui, ça a bien changé. Mais oui, mais c'est sûr. La machine à laver, elle était en bas. Bon, ben, je suis bien, elle est en haut maintenant. Elle est bien. Elle est bien, tout transformée. Mais pas vu qu'ils ne nous transforment pas, nous, c'est tout ce qu'il faut. On est obligé de subir maintenant un petit peu. Si, ils font bien manger, tout va bien. Pas de problème, on va pas se plaindre. Mais il y a quand même des bonnes choses. Oh, oui, mais qu'on reconnaît. Hein. Qu'on reconnaît. Moi, j'ai trois filles qui cuisinent, mais c'est trois cuisines différentes. Hein. Il y en a une, elle ne fait pas trop cuire. Hein. Moi, j'aime bien quand c'est cuit. Hein. J'aime bien quand c'est cuit. Hein. Non, mais autrement... Non, on avait la grand-mère, elle faisait des civelles, de la polente, encore la mode italienne, c'était quelque chose, hein. On a toujours bien mangé, mais de toute façon, casser la croûte, ces temps, tu sais à quoi j'ai attaqué ces temps, au hareng salé, j'attaque, mais je fais une cure, c'est tout par cure. Après, je fais du pâté, après, je fais du jambon. Après... Mais casse la croûte le matin. Hein, quand je reviens, 9h. Mais à midi, j'ai faim. Ouais, je suis resté assez longtemps, 3-4 mois sans pouvoir manger. J'avais plus de goût, plus rien. J'avais plus envie de manger. Puis maintenant, c'est reparti. Ça a l'air d'aller. Essayons que, bon, comme dirait l'autre. On verra bien. Maintenant, il n'y a plus que lui là-haut qui va décider, ma foi. Comme dirait l'autre, on ne lui a pas demandé quand. Hein. Oui, mais enfin, bref. Vous y pensez, ça ? Oh non ! Oh non, non, non, on n'y pense pas. Alors, on est entouré de tout le monde, là. Oui, on a les petits-enfants, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Et on joue au Scrabble. Mais alors, le Scrabble, c'est une autre manière. Alors, le Scrabble, elle ne peut plus écrire parce qu'elle tremble. Pour compter. Puis on ne compte plus. Là, maintenant, les mathématiques, on n'en veut plus. Alors, on fait des mots. Alors, quand il lui manque une lettre pour faire un grand mot, c'est moi qui lui... Si je l'ai, je lui le prête. Alors, c'est une autre manière. Ah ouais, ouais. Mais on arrive à faire des sacrés mots, hein. On fait des machines plus de 7 lettres, hein. Avec notre combine. Ben, ça l'occupe. Ah ouais. Mais autrement, c'est sûr que... Ah, ben le jardin, je vais même plus... Là, je les ai fait venir l'autre fois parce que c'était de la brousse. Ils sont venus, le voisin là-bas qui a acheté, a demandé qui c'était. C'était mes petits-enfants. Alors, il y en a un qui est venu avec la tondeuse de gazon, l'autre qui est venu avec le machin, ça frottait de tous les côtés. Le voisin, il a pris peur. Parce que... Si! Il y a 8 jours, j'ai bien encore sorti ma tondeuse à gazon. Je tombe ma tondeuse à gazon. Je l'ai bien encore sorti. Non, quand il y a jours, je suis en forme. Ben, Il a le petit tracteur pour faire tout ça. Ouais. Non, mais, puis, mais moi, je suis un peu tributaire de la nature, du temps. Ah, mais il y a des moments, je me lève et j'arracherai les montagnes. Puis d'autres moments. Oh, ben, je resterai bien couché. Merde, il faut se lever. Mais pour dire, c'est vrai, hein. Bon, des gros coups, à part la prostate et puis l'appendicite, hein. 3 jours couché avec de l'eau, puis machin, elle vient, puis dit, oh là là, c'est l'appendicite. Puis c'était le docteur Armand, hein, au 5e étage, là-bas, à Saint-Just. Oh, il dit, ben, 2 jours près, hein, blanc, tu serais plus là. Docteur Armand qui m'a opéré de l'appendicite, hein. Et encore l'autre jour, le chirurgien, comment t'appelles Salem. Hein? Salem. Il m'a opéré de la prostate il y a 30 ans. Alors, j'ai fait combien 15 jours d'hôpital. Hein. Alors, il m'a préconisé une sonde. Bon, la sonde, c'est impeccable. C'était 3 ans que je l'avais, impeccable. Et puis, il y a 2 mois, je vais changer la sonde tous les mois. Et puis, ça me vient une grosseur, là. Puis là, le tout me dit, oh, c'est pas grand-chose, c'est rien. Ouais, mais c'est 2 jours après, j'avais une balle, une gonfle comme ça. Saint-Julien, oh, ben, Saint-Julien, pas question. Annecy, fallait ouvrir. Ils m'ont fait un deuxième trou à la hanche, là, dans le coin. Enfin, Dieu me dit, non. Un trou, pas plus gros que le Gaulois, comme là, le machin rouge, là. Mais non, de Dieu, ça coulait bien. Puis comme c'était placé, pas moyen d'avoir des pansements qui tenaient, il y a les machins qui collent, ça colle, ils m'ont arraché la peau, tout le bazar. Alors, j'avais que des grosses serviettes pour m'y tenir. Le matin, je me levais, sitôt que j'attaquais l'escalier, ça coulait. Et puis, pour le 15 août, d'un seul coup, plus rien. Tout fermé, plus rien. Les infirmières disaient, on ne sait pas ce qu'il faut faire, on ne sait plus ce qu'il faut. Pansement, elles le mettaient à 10h, à 11h, c'était déjà tout arraché, ça tenait pas. Pour 15 août, plus rien, fermé, tout cicatrisé. Alors je dis, oh mais c'est le miracle du 15 août, et puis j'aurais dit, c'est le miracle de la jartelle de la mariée. Parce que... Il n'y avait plus qu'un caoutchouc. J'avais trouvé la combine avec une chambre à air de vélo, de bagnole. Je tenais la serviette avec cette chambre à air, avec la rondelle de caoutchouc. Alors je l'appelais ça la chartelle de la mariée. Quand j'ai raconté ça à l'hôpital, ils étaient tous écroulés là-bas. Il n'y a qu'au Père Blanc que ça arrive des trucs comme ça. J'ai dit oui, la chartelle de la mariée. Alors, elle disait tous, oh, miracle du 15 août, t'as été à Lourdes? Oh, ben, j'étais à Lourdes, j'y retournerai pas, j'étais qu'une fois. Mais j'y retournerai pas, hein, parce que. Elle me dit pourquoi? Ben, je lui dis parce que c'était dégueulasse. T'allais là-bas, où ils prenaient l'eau, tu sais, l'eau. Ils vont avec des bidons, ils laissent les papiers. Tu dirais, tu sais, les chiottes dans ma chaîne, c'est pas pire. On y était qu'une fois, mais j'y retournerai pas. Hein. Enfin, bref. Alors, voilà, dites donc. Merci Dédé. Oh, mais il y a merci, il n'y a pas de merci. Ça va boire. Très bien. Ça me va très bien. Eh ben non. 1h20, vous avez parlé. On m'a dit, oui, puis j'arrêterai pas. Hein. Mais enfin, bref. Eh ben c'est bien. Dis donc, qu'est-ce que vous buvez? Du blanc, du rouge, de l'apéro? C'est bien que je bois pas. Hein. Ouais. Mais tu... Chez Robert, il aime bien le blanc. Ah. Eh ben c'est bien.